بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله la louange est à Allah عز وجل qui nous permet de poursuivre l'explication du texte Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements wa adillatuha ainsi que leurs preuves. On s'était arrêté à la parole du Cheikh lorsqu'il dit al-oula anna Allah khalaqana wa razaqana. La première, c'est qu'Allah nous a créés et nous a donné notre subsistance. Donc on est entré dans la deuxième partie de l'introduction. Et cette deuxième partie de l'introduction, elle comporte trois choses que tout musulman et musulmane doivent savoir. Donc il dit rahmatullah alayh, sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane. On avait expliqué qu'est-ce qu'un musulman. On avait donné la définition. Qui peut nous rappeler qu'est-ce qu'un musulman? Qu'est-ce qu'un musulman dans les frères qui étaient là lundi dernier? Un musulman, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prie? C'est quelqu'un qui a un chapeau sur la tête? C'est quelqu'un qui a une barbe? C'est quelqu'un qui va à la mosquée? La définition législative du musulman. C'est un arabe? Un musulman, c'est quoi? Voilà, quelqu'un qui a prononcé la shahada. Premier point. Deuxième. Qui a pratiqué les implications de cette shahada. Et ça, on verra qu'est-ce que pratiquer les implications de la shahada. On verra qu'il y a des implications qui, lorsqu'elles sont absentes, impliquent l'absence donc de l'islam. Troisième, et qui n'a pas fait un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Ça, c'est le musulman. Donc, pour nous, quand est-ce qu'on juge que quelqu'un est musulman? Nous, c'est lorsque quelqu'un a prononcé les deux shahada et qu'il a agi de par ses implications, l'implication la plus importante est la prière, as-salah, et qu'il n'a pas donc fait d'annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Donc ça, c'est en apparence un musulman. Mais il se peut qu'il ait prononcé la shahada, qu'il pratique extérieurement les implications de la shahada, qu'il ne fasse pas d'annulatif de l'islam. Donc il sera pour nous musulmans dans ce bas monde, c'est ce qu'on appelle l'islam ou l'hukmi, on reviendra, c'est l'islam statutaire pour nous les musulmans, car nous n'avons des gens que ce qui apparaît d'eux, mais auprès d'Allah est-il musulman si jamais il est hypocrite, il ne croit pas en Allah, au prophète, aux anges, dans son intérieur? Non. Donc du temps du prophète alayhi salatu wassalam, comme du nôtre, il y a des gens qui extérieurement ont le statut de musulman, mais qui auprès d'Allah, donc dans ce qu'on appelle l'islam ou l'haqiqi, l'islam réel, ils ne sont pas musulmans. Ce sont les hypocrites. Et on verra vice-versa dans la mécréance aussi. Dans la mécréance, il y en a qui ont le statut de mécréant en apparence, mais qui auprès d'Allah sont éventuellement croyants, notamment al-mukrah, le contraint de faire de la mécréance. Il est pour nous, parce qu'on a de lui que ce qui apparaît, donc il est mécréant de manière extérieure, mais auprès d'Allah, Azza wa Jalla, il est croyant. Donc sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane, donc d'apprendre ces trois notions et de les pratiquer. La première, c'est qu'Allah nous a créés. Donc on avait expliqué, dit quelques paroles à ce sujet. « Wa razaqana » et qu'il nous a donné notre subsistance. « Wa lam yatrukna hamala » et qu'il ne nous a pas laissé « hamala » sans but, sans objectif. On avait dit que le shirk n'avait pas apporté d'expression concernant le rizq et concernant le khalq, la création et le fait qu'Allah donne la subsistance. Il n'avait pas apporté d'expression qui ont pour sens l'exhaustivité. Il n'y a pas tawhid dans ces expressions-là. Il n'y a pas unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'expression du shirk. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit la première, c'est que seul Allah nous a créés, c'est que seul Allah nous donne la subsistance? Parce qu'il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas de divergence entre le prophète alayhi salatu wassalam et son peuple, et de manière majoritaire entre les prophètes alayhi salatu wassalam et leur peuple à ce niveau-là. Car ces deux notions-là qui sont donc le fait de créer et le fait de donner la subsistance, ça relève de quelle partie du tawhid? On avait dit que le tawhid se divise en trois parties. Le tawhid de la seigneurie, tawhid al-rububiyyah. Le tawhid de la seigneurie, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes à lui, dans ses actes. Et on avait dit que la deuxième partie, c'était tawhid al-uluhiyya, le tawhid donc de la divinité, ou bien tawhid al-ibadah, tawhid de l'adoration, qui est l'unicisation d'Allah dans nos actes à nous. La troisième partie, Tawhid al-Asma'i wa Sifat, le Tawhid d'Allah dans ses noms et ses attributs. Et ça, c'est le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala les noms et les attributs que lui-même s'est attribué, ainsi que ceux que le prophète alayhi salatu wa salam lui a attribué, sans tashbih, sans faire ressembler Allah à ses créatures, wala tamthil, et sans donner d'équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses qualités, wala takyif, sans comment aussi, sans comment, wala ta'wil, et sans interpréter ses noms et ses attributs. Alors ça s'étudie dans le tawhid des noms et des attributs de manière plus profonde. Nous on le passe assez rapidement parce que cet épître-là, il n'a pas pour sujet d'étudier tawhid al-asma wa sifat. Donc le conflit, ça il faut bien le retenir, ayyuh al-ikhwa, le conflit entre les prophètes et leur peuple, il avait lieu au niveau de l'ibada, de l'adoration. Au niveau de l'adoration. Ça c'était au temps du prophète alayhi salatu wassalam et de manière majoritaire de tout temps. Mais aujourd'hui, on voit que les darwinistes et les laïcs, ils ont même une mécréance plus avérée que les premiers au niveau du tawhid de la seigneurie. Car ils rejettent carrément l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne confirment pas des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala que Quraysh confirmait. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si on leur demande qui a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qu'ils répondent? Allah. Aujourd'hui, quand on les questionne, ils ne disent pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça à prendre en compte dans la da'wah contemporaine. Il se peut que parfois émerge un point, donc à l'époque que tu vis, sur lequel il faut que tu accentues ta da'wah, alors que ce point-là, c'était un point qui n'était pas un point de conflit au temps du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, si on observe la vie de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, l'auteur de cet épître-là, il a majoritairement écrit donc des ouvrages, des lettres, des épîtres sur le shirk au niveau du tawhid de la ibad. La majorité de ses écrits se trouvent là. Et lorsqu'on observe la vie de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il a aussi beaucoup d'écrits sur le shirk dans le tawhid de la ibada, mais il a aussi beaucoup décrit au niveau de Tawhid al-Asma'i wa Sifat, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs, car il était donc entouré des sectes comme les Asha'ira, les Asha'irites et les Maturidiyah, les Maturidites, qui eux, donc, profanent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en les faisant dévier, donc, de leur sens réel. Donc, le savant, le prêcheur, il se doit d'être au rendez-vous avec son époque. Il se doit d'être au rendez-vous avec son époque. Donc, en mettant l'accent sur le shirk de l'époque. Et nous, comme on verra, le shirk de notre époque, c'est le shirk dans la législation. Aujourd'hui, le plus grand shirk qui existe sur la planète est celui qui frappe les communautés se disant musulmanes, les États se disant musulmans, c'est le shirk dans la législation. Le fait d'avoir rejeté la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, les lois divines, le Coran et la Sunna, et d'avoir appliqué des constitutions façonnées par l'être humain, qui proviennent des cerveaux de l'être humain. Et ces lois-là n'amèneront jamais l'humanité à la réussite, ni dans ce bas monde et encore moins dans l'autre. Et ça, c'est aujourd'hui le shirk qui existe dans notre époque. Et c'est un shirk auquel il faut, inshallah, faire face et il faut prêcher les musulmans à revenir au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et à ce que tous les états mettent en place ces lois-là pour faire réussir leur peuple. Et c'est le devoir de tout gouverneur se disant musulman. Et de même, tout peuple se doit de vouloir l'application de la sharia. Car on observe aujourd'hui, comme par exemple en Turquie, lorsque simplement Erdogan a voulu interdire l'alcool de nuit, on a eu des manifestations, des bagarres entre le peuple et la police. Pourquoi ? Pour que l'alcool soit permis de nuit comme il est déjà permis de jour. Et après, c'est des gens qui se prétendent musulmans. Donc c'est important que les peuples veuillent la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les gouverneurs applique la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans sourate An-Nisa, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Non, par Allah, ils ne croiront pas. حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans leur sujet de dispute. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Puis ils ne trouveront pas de désagrément dans la décision que tu auras prise et ils s'y soumettront de manière totale. Donc on prend le prophète alayhi salatu wa salam comme juge et on n'a pas de désagrément par rapport aux lois émises par Allah et le prophète alayhi salatu wa salam et on s'y soumet de manière totale et absolue. Mais ça, on y reviendra, notamment quand le Shir parlera des Tawarit, qui est le pluriel de Tarut, et il parlera de celui qui gouverne par autre que les lois d'Allah Azzawajal, et on entrera dans le détail dans cette notion qui est extrêmement importante et qui est sans aucun doute la notion du siècle aujourd'hui. La notion du siècle, c'est Al-Hukm Bi-Ghayri Ma Anzalallah. Mais hélas, la plupart des musulmans ne le comprennent pas, et les peuples aujourd'hui sont arrivés à la catastrophe qu'ils vivent en raison de cela, parce qu'ils ne sont plus régis, commandés par les lois d'Allah Azzawajal. Et lorsqu'on n'est pas commandé par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que la dégradation se fait rapidement. Et les gens qui sont d'origine maghrébine et qui vont dans leur pays d'origine depuis petit, ils remarquent que les pays du Maghreb des années 80 ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Les jeunes, les filles maghrébines d'il y a 20 ans ne sont pas les filles maghrébines d'aujourd'hui. Les rues du Maghreb d'il y a 20 ans ne sont pas les rues du Maghreb d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les lois d'Allah ne sont pas appliquées. Ce sont les lois des mécréants qui sont appliquées là-bas, même s'il y a un petit peu d'odeur de loi islamique comme on jette du sel dans un plat, mais ce qui est insuffisant pour dire que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont appliquées, et on voit que les peuples vont dans la catastrophe et qu'ils espèrent aujourd'hui pouvoir vivre comme vivent les mécréants. Et tous aujourd'hui rêvent, hein, cette jeunesse maghrébine, d'un jour mettre leurs pieds en Europe pour pouvoir vivre comme vivent les mécréants. Et ils n'ont plus comme modèle les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, la vie prophétique, filles comme garçons, majoritairement, pas tous, alhamdoulilah, il reste toujours une minorité de gens qui ont compris le but de leur vie, mais la majorité, hélas aujourd'hui, veulent vivre comme vivent les mécréants, en raison du fait qu'il n'y a pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala appliquées dans leur pays. Donc le shirk est au rendez-vous, lui, il s'est... Donc il a combattu le shirk dans la ibadah. Cheikh Ibn Taymiyyah aussi, Shirk fil Asma wa Sifat. Donc nous, il faut être au rendez-vous, Inch'Allah, dans les différentes formes de shirk, mais majoritairement le shirk est dans la législation. Donc il dit, Rahmatullah alayh, qu'Allah nous a créés et nous a donné notre subsistance, wa lam yatrukna hamala, et il ne nous a pas laissé hamala. Le mot hamala, ça veut dire sans but, sans objectif. Ce mot, il n'est pas dans le Qur'an et la Sunna. Mais on a deux synonymes de hamala qui sont abatha et souda. Abatha, on le trouve dans le verset d'Allah Azzawajal à la fin de Surat Al-Mu'minun. Les croyants, Am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé abatha, c'est-à-dire sans but, sans objectif, sans sagesse, wa annakum ilayna la turja'un, et que vous n'allez pas revenir vers nous? Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de Surat Al-Qiyamah, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًا. Ça, c'est le second synonyme de hamala. Est-ce que l'être humain pense, hein, qu'on va le laisser souda, souda, c'est-à-dire aussi sans objectif? Certains salafs ont dit لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَا. Souda, abatha, le sens de ça, لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَا, c'est-à-dire qu'il ne va pas recevoir d'ordre et qu'il ne va pas recevoir d'interdit. Que rien ne lui est ordonné et que rien ne lui interdit. Il est créé. Il mange, boit, respire, se marie, commerce, s'habille et un jour meurt. Et il n'y avait pas d'objectif dans cette création-là. Il ne reçoit pas d'ordre et il ne reçoit pas d'interdit. Et ça, ça va à l'encontre de la sagesse divine. C'est pour cela qu'à la fin de Surat Mu'minun, lorsqu'Allah Azzawajal a dit « Est-ce qu'ils pensent qu'on les a créés abatha, c'est-à-dire sans objectif ?» wa annahum ilayna la yurja'un, et qu'ils ne vont pas revenir vers nous. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a apporté une expression de tanzih. Le tanzih, c'est l'exemption de défaut et de manque. Souvent Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité ce que lui attribuent les associateurs comme fille ou comme fils ou bien comme autre forme de manque d'associationnisme, Allah apporte l'expression subhanahu. Vous le voyez ça dans le Coran. Subhanahu wa ta'ala amma yushirikun. Ça, c'est une expression de tanzih. C'est-à-dire, Allah est exempt de tout ce qu'on dit ces gens-là. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit dans le verset, pense-t-il qu'on les a créés abatha sans objectif et qu'ils ne reviendront pas vers nous, qu'est-ce qu'il a dit? Fata'ala Allahul malikul haq. Fata'ala Allah, intraductible, mais vous prenez comme sens que c'est pour exempter Allah de défauts et de manques, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ, le roi, la vérité. Donc il s'est exempté de pouvoir avoir créé cette création sans aucun but, ce qui va à l'encontre de la hikmah, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc, وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا, il ne nous a pas laissé donc sans objectif. Bel arsala ilayna rasula. Bel, mais plutôt. Ça, c'est à traduire par mais plutôt. Donc, ça va à l'encontre de ce qui a été dit précédemment. Précédemment, il a été dit, donc il ne nous a pas laissé sans but, mais plutôt. Mais plutôt, arsala ilayna rasula. Il a envoyé, donc, vers nous, à nous, rasulan, un messager. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager pour concrétiser cette sagesse-là, hein, pour nous montrer cette sagesse-là, selon laquelle il nous a créé pour un objectif. Et cet objectif, qui est la ibadah d'Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika la, c'est l'objectif de la création. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun. Je n'ai créé les génies et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. Illa liya'budun, illa liyuwahidun. Seulement pour qu'ils m'unicisent. Cet objectif-là, il est présent dans la fitra. Il est présent dans la fitra, la saine nature, l'instinct musulman de tout être humain. Tout être humain, dans son instinct musulman, il porte cela, qu'Allah l'a créé, qu'il a un créateur et qu'il se doit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il fait le reproche à ceux qui ont adoré autre que lui avant que les messagers ne leur parviennent ainsi que les livres. Car ce geste-là qui est d'associer à Allah azza wa jal, il est reprochable avant que le message n'arrive à la personne. Pourquoi ? Parce que ça va déjà à l'encontre de cet instinct que tu portes en toi. Mais Allah ne châtie la personne qu'après qu'il ait reçu le message. Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas la personne par la simple fitra, alors qu'il aurait pu. Car la personne, lorsqu'il associe à Allah subhanahu wa ta'ala, il va à l'encontre de sa saine nature, et il va à l'encontre donc du mi'thaq, du contrat qu'il a fait à Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde des âmes. Allah azza wa jalla dit, et lorsque, wa idha khada rabbuka, et lorsque ton Seigneur a pris, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris donc du dos des fils d'Adam, c'est-à-dire de Adam alayhi salam, min dhurriyatihim, il a pris donc la descendance d'Adam, tous, il nous a tous pris, tous ces êtres humains-là, فَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a pris comme témoin contre nous-mêmes. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Il nous a posé cette question. Ne suis-je pas votre Seigneur, c'est-à-dire votre Dieu, hein, qui est le seul digne d'être adoré, comme on le verra. Le mot Seigneur, il se rejoint ici avec le Ma'boud, celui qui est adoré. Qu'est-ce qu'on a dit ? Bala, on a dit bien sûr. Donc on a contracté avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde des âmes une promesse qui consiste à le prendre seul comme adoré. Et ça, c'est donc le mithaq qui s'est fait, c'est le contrat qui s'est fait dans le monde des âmes et on le porte en nous dans notre fitra. Mais Allah, de par sa justice et parce qu'il aime excuser sa création, hein, il ne châtie personne jusqu'à envoyer un messager et jusqu'à ce que la personne reçoive le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où la parole d'Allah, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne châtions pas jusqu'à ce que nous envoyions un messager. Donc Allah ne châtie personne tant qu'il n'a pas reçu le message. Après, qu'est-ce qu'avoir reçu le message ? Ça, c'est un détail que l'on verra prochainement, pas dans cet épître-là. Donc il dit, mais il nous a plutôt envoyé un messager. Un messager. On rencontre dans le Coran le mot « Rasoul » et on rencontre aussi le mot « Nabi ». Donc ici, il est pertinent d'apporter la différence entre « Ar-Rasoul » et « An-Nabi ». Ar-Rasoul, donc le messager, c'est pris de Risala. On reconnaît le mot dedans, Risala, qui est le message. Donc c'est un porteur de message, il est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et il porte un message. An-Nabi, on entend ça dans la riwaya Hafs, An-Asim, dans la qira à la lecture de Asim, c'est An-Nabiyu. Et en Warj, c'est An-Nabiyu. An-Nabiyu avec la Hamza, c'est pris de An-Naba. Al-imba, qui est le fait d'apporter une nouvelle. Apporter une nouvelle information. Et an-nabiyu, c'est pris de an-nabwa, qui est al-irtifa', qui est la supériorité. Et donc les deux sens sont clairs. Le prophète apporte une nouvelle, un message, et aussi il est supérieur au reste des humains dans le sens de son statut. Il est élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une petite subtilité linguistique. Mais an-nabiyu et an-nabiyu dans le sens législatif, ce sont des synonymes. Ce sont des synonymes. Donc, quelles sont les différences entre ar-rasoul et an-nabi? Il y a beaucoup de paroles chez les savants. Il y a une grosse divergence. Et il n'y a pas une différenciation entre les deux sans qu'elle ne puisse être critiquable. Mais on va en donner une de définition, une différence entre le messager et le prophète. On va donner une différenciation, celle qui semble être le plus pertinent, Allah a'lam. Mais ce que l'on retient et ce dont on est sûr, c'est que le messager, c'est quelque chose de plus restreint, spécifique que le prophète. Tout messager est prophète, mais ce n'est pas tout prophète qui est messager. D'accord? Donc un rasoul, il est messager, donc comme son nom le porte, et il est aussi nabi, et il est aussi prophète. Le prophète, un nabi, il n'est pas obligatoirement rasoul. D'accord? Donc on a des anbiya, qui est le pluriel de nabi, on a des prophètes qui sont messagers, on a d'autres prophètes qui sont simplement prophètes et qui ne sont pas messagers. Mais tout messager est prophète. Ça s'est compris? Donc là-dessus, il y a consensus. Après, il y a plusieurs paroles de savants quant à la différenciation entre un messager et un prophète. Allah a'lam, nous on retient cela. C'est que le messager, c'est celui qui vient avec une nouvelle législation vers un peuple mécréant. Et le prophète, c'est celui qui vient vers un peuple croyant pour revivifier la législation du messager précédent. D'accord? On retient cette définition, Allah a'lam, qui est la moins critiquable. Mais même celle-ci, elle peut être critiquée. Donc il dit, بَلْأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا, mais il a plutôt envoyé à nous un messager. Donc les messagers sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des humains. Qui sont, on avait dit, exemptés d'erreurs par rapport à la transmission de leur message. Quant au fait de faire des péchés, il y a unanimité sur le fait qu'ils ne peuvent pas faire de grands péchés. Ils sont donc protégés de faire les grands péchés, divergents sur les petits. Wallah a'lam bisawab. Mais concernant donc l'erreur possible dans le message, non. Ça, ce n'est pas possible. Ils ont transmis le message de la meilleure manière. Sauf chez les égarés, les chiites, les rawafides, etc. Mais ceux-là, ils ne sont pas de notre camp. Les rawafides ne sont pas musulmans. Et les chiites d'aujourd'hui, quasiment dans leurs quatre branches, sont des mécréants, ne sont pas des musulmans. Et il faut faire attention aux gens qui apportent le terme chiite comme ça, de manière générale, et qui appellent au rassemblement entre les sunnites et les chiites comme si c'était deux branches de l'islam. Les rawafides sont mécréants. Ils ont des croyances qui ne peuvent pas être compatibles avec le tawhid. Pour eux, Khomeini, par exemple, il est aussi bien que les quatre califes. C'est quelqu'un qui gère l'univers, qui a une capacité de gestion sur le matériel qui l'entoure, etc., qui connaît parfois l'invisible. Ce sont des gens qui sont exemptés d'erreurs, de péchés, etc. Donc ça, ce n'est pas compatible avec la aqida des musulmans. Et puis, ils ont des aqidas extrêmement graves, comme le fait de dire que notre Coran qu'on a aujourd'hui entre les mains, c'est un tiers du véritable Coran. Ils ont beaucoup de mécréances. Bon, ça, c'est les Rawafid, mécréants. Al-Ismailiyya, mécréants. On a Ad-Duruz, mécréants. Et on a, les Nusayri, Bachar al-Assad et compagnie. Bon, celui qui doute de leur mécréance, en connaissant leur aqida, Allah Alam, il les rejoint quasiment, en termes de mécréances. Sont des gens qui déifient Ali, radiallahu anhu, qui rejettent la majorité des législations qu'on a, comme par exemple le caractère obligatoire des cinq prières. Et ça, c'est rejeter quelque chose qu'on n'est pas censé ignorer. Donc ce sont des religions complètement différentes. Que eux, après, se prétendent musulmans, c'est quelque chose, mais qu'ils le soient, c'en est une autre. Donc il a plutôt envoyé à nous un messager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers. On a dit ce sont des humains, donc ils reçoivent une révélation. Ils sont exempts donc de l'erreur dans la transmission du message. Ils n'ont pas donc le degré d'être des dieux, d'être des divinités. Ça ne fait pas partie de la aqida des musulmans. On ne les adore pas, mais on les suit. On suit le prophète alayhi salatu wa salam, mais on ne l'adore pas. Il dit ensuite, فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Celui qui lui obéit entrera au paradis, وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Et celui qui lui désobéit entrera en enfer. L'obéissance au prophète alayhi salatu wa salam, c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la désobéissance au prophète alayhi salatu wa salam, c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit: "Man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah." Celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum." Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au prophète et à ceux qui portent le pouvoir parmi vous. On avait expliqué la dernière fois que ici, l'obéissance à Allah, elle est totale et absolue, ainsi qu'au prophète alayhi salatu wassalam, mais qu'au détenteur du pouvoir, religieux ou bien politique, elle est donc soumise à l'obéissance à Allah et au prophète alayhi salatu wassalam. Comment on l'avait tiré du verset, vous vous souvenez? C'est le premier cours, il me semble l'avoir dit ici. Il n'y a pas le verbe. Voilà, le verbe « ati'u » n'a pas été répété. « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah ». Et obéissez au prophète et au détenteur du pouvoir. Il n'a pas dit et obéissez au détenteur du pouvoir. Car l'obéissance aux parents, par exemple, qui est obligatoire dans le Coran et la Sunna, l'obéissance de la femme au mari, qui est obligatoire dans le Coran et la Sunna, l'obéissance au gouverneur, qui est obligatoire dans le Coran et la Sunna, ces obéissances-là sont soumises au fait que les injonctions soient en accord avec le Coran et la Sunna. Mais si ces injonctions en termes d'ordre et d'interdit vont à l'encontre du Qur'an et la Sunna, le prophète alayhi salatu wa salam a apporté une règle générale dans le hadith authentique: la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. C'est pour ça que le verbe n'a pas été répété à nouveau. Donc celui qui obéit au messager entrera au paradis. Il entrera au paradis. Est-ce que toute obéissance, tout niveau d'obéissance au prophète alayhi salatu wa salam implique l'entrée au paradis? Est-ce que ça implique l'entrée au paradis obligatoirement? Non, il y a différents degrés d'obéissance. Celui qui a une obéissance complète, on veut dire par cela qu'il n'a pas délaissé d'obligation. Il n'a pas délaissé d'obligation. Et n'a pas fait d'interdit, de haram. Cette personne-là, bihaoulillahi azza wa jal, elle entre directement au paradis. Elle entre directement au paradis parce que son obéissance, elle est complète. Celui qui a délaissé des obligations et qui a fait du haram, suivant ce qu'il a délaissé comme obligation et suivant ce qu'il a fait comme haram, son entrée au paradis, elle peut être directe si jamais ce ne sont pas des obligations conséquentes qu'il a délaissées. Et le délaissement de cette obligation relève du petit péché. Et si le péché qu'il a fait relève du petit péché, Inch'Allah, hein, ces choses-là sont pardonnées par Allah Azza wa Jal et il entre tout de suite au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit: « In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. » Si vous délaissez les grands péchés que l'on vous a interdits, on pardonnera vos péchés, c'est-à-dire les petits, et on vous fera pénétrer, c'est-à-dire un bel endroit, un endroit honorable. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que si on délaisse les grands péchés, Allah pardonnera les petits. Et dans la sunna, on a aussi le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, ils sont nombreux, as-salawatul khams, les cinq prières, wal-jumu'atu ila al-jumu'a, et du vendredi à un autre, wa ramadanu ila ramadan, et d'un mois de ramadan à l'autre, والحج إلى الحج et d'un pèlerinage à un autre, والعمرة إلى العمرة et d'une umra, d'un petit pèlerinage à un autre, مكفرات لما بينهن, ces œuvres de l'une à l'autre, elles effacent donc les petits péchés, elles effacent les péchés, إذا اجتنبت الكبائر, si jamais les grands sont délaissés. Donc lorsqu'on délaisse les grands péchés d'un vendredi à l'autre, nos petits péchés sont pardonnés بإذن الله عز وجل. Si on délaisse les grands péchés, d'une prière à l'autre, entre Dhuhr et Asr, les petits péchés que tu as faits sont pardonnés, Inch'Allah, de même entre Salat al-Asr et Salat al-Maghrib, entre la prière du Asr et la prière du Maghrib. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés de par d'autres bonnes actions que l'on fait, si on délaisse les grands péchés. Donc, cette différenciation entre grands et petits péchés, elle existe dans le Coran. De par le verset qu'on a donné là, qui se trouve dans le livre d'Allah, et de même, de par la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, par le hadith qu'on a dit ici. Allah nous pardonne les petits péchés entre ces œuvres qu'on a citées idajtunibat al-kaba'ir, si les grands péchés sont délaissés. Et aussi le prophète alayhi salatu wa salam a dit ala ukhbirukum bi akbar al-kaba'ir, voulez-vous que je vous informe au sujet des plus grands péchés? Des plus grands péchés, si on veut être littéraliste, des plus grands grands péchés. Bi akbari al-kaba'ir, des plus grands entre guillemets grands péchés. Le premier qu'il a donné, ash-shirku billah. Donc l'entrée ici, elle peut être directe. Ça, c'est une première catégorie des musulmans. Et ça, c'est les croyants qui ont une foi complète, qui ont la complétude recommandée. On reviendra sur la complétude recommandée. On va pas zoomer cette information ici. Donc, ceux qui ont une foi complète, au niveau de la complétude recommandée, ce sont les gens qui n'ont pas fait donc de grands péchés, qui n'ont pas délaissé d'obligation et n'ont pas fait de haram. Ils rentrent directement, Inch'Allah, au paradis. Ceux qui ont fait des interdits, mais qui ne sont pas des grands péchés. D'accord? Et qui ont délaissé des obligations, et ce délaissement d'obligations n'est pas un grand péché. Inch'Allah, c'est pardonné de par leurs bonnes actions. De par leurs bonnes actions. Du vendredi au vendredi, entre chaque prière, etc. S'ils ont délaissé les grands péchés. Ensuite, on a ceux qui ont fait des grands péchés. Ce qu'on appelle Al-Kaba'ir. Ou bien qui ont délaissé des obligations, hein, qui sont conséquentes. Et ce délaissement est une kabira. Par exemple, quelqu'un qui ne va jamais voir ses parents. Est-ce que lui, il concrétise birrul walidayn? Il a coupé avec ses parents. Un an, deux ans, il n'est jamais allé taper à leur porte, pas un coup de fil. Est-ce qu'il a fait quelque chose en termes d'apparition d'acte? Même si en réalité, le délaissement est un acte. Il a délaissé là une obligation qui est birrul walidayn, le bon comportement avec les parents. Ça, c'est un grand péché. Ça, c'est un grand péché. S'il meurt dans cet état-là, il est dans l'état de celui qui meurt en ayant fait un grand péché, qui a bu du vin, qui a forniqué, qui a mangé l'usure, sans s'être repenti. Ces catégories de personnes, les gens qui ont fait des grands péchés, si elles meurent dans cet état-là, sans s'être repenti, elles sont sous ce qu'on appelle mashi'atullah, sous la volonté divine. Yawm al-Qiyamah, elles sont sous la volonté divine. Allah, s'il veut, il leur pardonne et les fait entrer au paradis directement avec la première catégorie, ceux qui ne sont pas dans cet état-là. Et s'il veut, subhanahu wa ta'ala, il les châtie. Mais leur châtiment ne sera pas éternel. Leur châtiment ne sera pas éternel. Pourquoi? Car ils ont toujours la base de la foi. Ils ne sont pas sortis de l'islam par ce péché-là, par le grand péché. Donc l'entrée au paradis, elle est de deux types ici. Le cheikh n'a pas apporté les deux types, il a généralisé, mais nous, il faut qu'on comprenne qu'il y a deux entrées au paradis. Une directe, est-ce qu'on en sort du paradis pour ensuite aller en enfer? Non. Celui qui entre au paradis, il y sera pour l'éternité. Et la deuxième catégorie, ce sont les musulmans qui sont morts, donc avec des grands péchés, et pour qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu une entrée directe, il les fera séjourner momentanément en enfer, et les fera ensuite entrer au paradis éternellement. Donc on a soit une entrée directe, soit une entrée indirecte. On se rappelle de ce détail-là. Entrée directe et entrée indirecte. Il dit ensuite, وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Et celui qui désobéit donc au prophète, alayhi salatu wa salam, entrera en enfer. De même comme on avait une entrée directe et indirecte au paradis, ici on aura une entrée donc éternelle et une entrée momentanée. Une entrée éternelle et une entrée momentanée. Et il y a donc plusieurs degrés de désobéissance. Le premier degré de désobéissance, c'est celui qui a fait du shirk. Celui-ci, il a annulé sa foi. Dans l'au-delà, il sera momentanément ou éternellement en enfer. Éternellement en enfer, car il n'est pas musulman. Celui qui a désobéi en faisant donc un grand péché et il n'en s'est pas repenti avant de mourir, celui-là, il est dans quel état, on a dit, le jour du jugement? Sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il lui pardonnera, et s'il le veut, il le châtiera. Il le châtiera éternellement ou momentanément? Non, momentanément. Tout musulman ne s'éternisera pas en enfer. Quelle que soit donc la longueur de la période pendant laquelle il sera donc dans les flammes de l'enfer, il sortira un jour ou l'autre pour entrer au paradis. Donc soit c'est une entrée donc éternelle, soit c'est une entrée momentanée. Et ceux qui ont fait des petits péchés, ils ont désobéi ou pas au prophète alayhi salatu wasalam. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Bi-iznillah, incha'Allah, c'est pardonné. Bi-hawlillah azza wa jal, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de la prière à la mosquée, faire les ablutions aussi, ça pardonne les petits péchés. Le prophète, salat wa salam, il dit que lorsqu'on fait nos ablutions, nos péchés sortent jusqu'à ce qu'ils sortent d'en dessous des ongles. Les péchés que tu as fait avec tes yeux, hein, ils sortent avec les gouttes qui descendent de tes yeux. Les péchés que tu as fait avec tes mains, ils descendent avec les gouttes qui descendent de tes mains. De même avec tes pieds. Mais ce n'est pas les kabaïr. Hein, ce n'est pas les kabaïr. Les grands péchés, ils ne sortent pas là avec les ablutions. Donc on a beaucoup d'occasions de se faire pardonner nos petits péchés dans ce moment. Alhamdulillah. Il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Inna arsalna ilaykum. Certes, inna. Certes, nous avons envoyé ilaykum vers vous, rasoulan, un messager. Shahidan, témoin, alaykum, contre vous. Kama, tout comme arsalna, nous avons envoyé ila vers Firaouna rasoula, pharaon, un messager. Nous avons certes envoyé, donc vers vous, à vous, un messager, témoin contre vous, tout comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Fa'asa Fir'aounu Rasoula. Et Pharaon a désobéi, donc au messager. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Nous l'avons pris d'une manière sévère. Surat al-Muzammil, versets 15 et 16. Donc ça, c'est la preuve que celui qui désobéit au messager, il est donc dans l'échec. Et ça, c'est une désobéissance ici qui était totale. Hein. La désobéissance de Pharaon au prophète, quel est-il? Le prophète qui a été envoyé à Pharaon, Moussa alayhi salam, sa désobéissance, elle a été totale envers Moussa alayhi salam. Ça, c'est concernant le deuxième verset. Et inna arsalna ilaykum rasoulan, nous vous avons envoyé certes un messager, ça c'est la preuve de la parole du Cheikh, bel arsala ilayna rasoula, mais plutôt il nous a envoyé un messager. Donc ce verset, il illustre tout ce qu'a dit auparavant le Cheikh. Il dit ensuite, rahmatullahi alayhi, la seconde, donc notion qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane de connaître et de pratiquer. Donc la première qu'on a vue tout à l'heure, il faut la connaître et il faut aussi la pratiquer. Donc puisque tu as entendu que l'entrée au paradis, soit elle est directe, soit elle est indirecte, tu te dois, inshallah, après avoir maintenant étudié ces quelques lignes, donc de t'efforcer de faire partie de ces personnes qui entreront directement au paradis et qui ne séjourneront pas dans les flammes de l'enfer. Et de même, tu dois t'efforcer, inshallah, de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir ne pas être parmi le groupe qui va entrer momentanément en enfer et encore moins dans le groupe qui va s'éterniser en enfer. Donc tu dois craindre le shirk parce que tu as entendu que le shirk, c'est le péché qui va faire entrer éternellement en enfer. Et aussi, tu dois craindre les grands péchés ainsi que les petits hein, pour ne pas aller momentanément dans les flammes de l'enfer. Il dit athani à la seconde. Anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. La malakun muqarrab, ni un ange rapproché, wa la nabiyun mursal, et ni un prophète envoyé. Donc cette notion-là, elle est en lien avec le shirk, donc le plus grand des péchés. Et ces deux lignes là du shirk, elles sont extrêmement importantes, donc il faut se concentrer et essayer de les maîtriser. En termes de définition, les notions qui vont être dites, elles sont, bi'iznillah azza wa jal, très importantes. Il dit, anna Allah la yarda, Allah n'agrée pas. Ici, on a une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, laquelle, du verbe agréer, on a quelle qualité? L'agrément. Non. Donc, arrida, ça c'est une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah agrée des choses et n'en agrée pas d'autres. Il y a des choses qu'il agrée et il y a des choses qu'il n'agrée pas, subhanahu wa ta'ala. An yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Il n'agrée pas donc qu'on lui associe quelque chose dans son adoration. Et ce qu'il n'agrée pas, il ne l'aime pas. Ça implique qu'il ne l'aime pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le shirk. S'il n'aime pas le shirk, c'est qu'il le déteste. Yubridu shirk. Allah subhanahu wa ta'ala déteste le shirk. C'est d'ailleurs ce qu'il déteste le plus, subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe quelque chose dans son adoration. Donc l'association, là c'est le point sur lequel on va le plus insister. Le shirk dans la langue arabe, c'est an-nasib, an-nasib. C'est donner une part. Ashraktu zaydan fi mali, ashraktu zaydan fi mali, j'ai associé Zayd dans mon argent, c'est-à-dire je lui ai donné une part. il a une part de gestion ou bien de propriété dans mon argent. Dans la langue arabe donc, le shirk c'est donner une part. Et on avait dit que le tawhid, c'est le contraire du shirk. On avait dit que dans la langue arabe, le tawhid c'était al-ifrad. Le fait d'uniciser, d'unifier, de privilégier, d'isoler, vous vous souvenez de ça? Donc le shirk dans la langue arabe, c'est un nasib, le fait de donner une part. Dans le sens législatif, la meilleure définition, c'est la définition du prophète alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit qu'on a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, ayyu dhanbi a'zam, quel est le pire des péchés? Qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. C'est que tu donnes un équivalent à Allah alors qu'il t'a créé. C'est que tu donnes un équivalent à Allah alors qu'il t'a créé. Donc en arabe, la meilleure des définitions, c'est ja'alu niddi lillah. C'est le fait de donner un nid. Le nid, c'est l'équivalent. C'est celui qui ressemble à. C'est celui qui est pareil que un nid. Le semblable, l'équivalent. Donc le fait de donner un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la définition du shirk. Car c'est la définition qu'a donné le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il y a définition législative, c'est terminé. Ce n'est plus la peine d'aller chercher chez un savant ou qui que ce soit. En revanche, on peut amener du détail. Donc donner un équivalent, ça va se faire à trois niveaux. Normalement, vous devriez le savoir puisque le shirk est le miroir du tawhid. L'équivalence va être donnée à quel niveau? Voilà, au niveau de la seigneurie, au niveau de la divinité, au niveau de Al-Asma et Was-Sifat, les noms et les attributs. Tout comme le tawhid se divise en trois parties, hein, le shirk aussi donc se divise en ces trois parties-là. Et dans ces trois parties-là, il peut y avoir du grand shirk et du petit shirk. Il peut y avoir du grand shirk et du petit shirk au niveau de la seigneurie, au niveau de la divinité, au niveau donc des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un dit il y a un autre créateur qu'Allah azzawajal. C'est de l'associationnisme à quel niveau ça? Hein? Au niveau de la seigneurie. Au niveau de la seigneurie. Et aussi au niveau de... Au niveau des qualités. Asma, peut-être que lui n'appelle pas celui-là comme Al-Khaliq, comme étant le créateur avec un C majuscule. Mais en tout cas, c'est certain qu'il a fait un associationnisme au niveau de... Au niveau des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau des attributs. Les noms, c'est les noms. Les noms. Ar-Rahman, c'est un nom. Ar-Rahman, c'est une qualité. D'accord? Al-Alim, l'omniscient avec un O majuscule, c'est un nom. Al-Ilm, c'est la qualité. La science. D'accord? Ar-Raziq, celui qui donne la subsistance, c'est le nom. Ar-Razq, le fait de donner la subsistance, c'est la qualité. Al-Qadir, l'omnipotent. Ça, c'est le nom. La qualité, c'est Al-Qudra. D'accord? La capacité, la force. Al-Aziz, Al-Izza, etc. D'accord? Al-Latif, Al-Lutf. Donc, il y a le nom et il y a la qualité. Celui qui dit il y a un autre créateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il a aussi associé dans la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui constitue à créer. Dans le khalq. Dans la création, il est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui égorge pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est associé où? Hein? Dans l'adoration. Celui qui appelle autre qu'Allah, Allah, il est associé où? Dans le nom. Dans le nom, car Allah, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils s'entrepénètrent, ces trois domaines-là. Donc, on se rappelle que le shirk est le miroir, donc, du tawhid. Le shirk peut avoir lieu au niveau de la seigneurie, au niveau de la divinité, ainsi qu'au niveau des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shirk, c'est donner un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, ou dans la divinité, ou dans ses noms et ses attributs. On se rappelle de ça. Ja'alu niddi lillah. جعل الند لله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. D'accord? En français, nous on peut dire et ou. E-E-T/O-U. Parce que ça peut être et ou bien ou. Il peut y avoir associationnisme dans les trois domaines, comme dans deux, comme dans un. Mais il s'interpénètre souvent quand il y a dans un, c'est qu'il y a dans l'autre. Car quelqu'un adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car il lui attribue des qualités. Nous-mêmes, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une implication de notre unicité au niveau de sa seigneurie. On avait dit, parce qu'il est le créateur, parce qu'il est l'omnipotent, parce qu'il est l'omniscient, parce qu'il nous a comblé de tous ses bienfaits, alors on l'adore, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il fait le reproche aux mécréants qui confirment qu'il a bien créé les cieux et la terre, etc. Pourquoi est-ce que vous adorez autre que moi? Donc celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il intériorise quelque chose pour cet adoré. Donc le shirk a lieu au niveau de ces trois domaines-là. Et il se divise, on a dit, en deux catégories. Akbar et Asghar. Grand shirk, grand associationnisme et petit associationnisme. Le grand associationnisme, c'est celui donc, qui implique la sortie de l'islam. Donc c'est donner un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala et le législateur, Allah, et ou le prophète alayhi salatu wa salam, ont statué de la mécréance de celui qui fait cet acte-là. Ils ont statué que cet acte-là, c'est de la grande mécréance, du grand associationnisme. Et le petit shirk, donc c'est un acte ou une parole qui ont été donc qualifiés comme étant de l'associationnisme dans le Coran et la Sunna, mais qui n'impliquent pas donc la sortie de l'islam, qui n'ont pas été qualifiés comme étant des actes ou des paroles qui font sortir de l'islam. Comme par exemple, on a des exemples de petit associationnisme, le fait de jurer par autre qu'Allah. Le fait de jurer par autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça entre dans le petit associationnisme. Si jamais celui par lequel on jure n'a pas le statut d'adoré pour nous, ce qui est le cas aujourd'hui, majoritairement, quand les gens jurent par la tête de ceci, et dit la Mecque, ou etc., hein, il ne sous-entend pas que la tête de sa mère est adorée. C'est pas un dieu, une divinité pour lui. Mais comme c'est quelque chose qui a de l'importance, alors il jure au nom de la tête de sa mère ou autre, ou de la Mecque, hein, ou bien parfois d'autres créatures. Et ça, c'est du petit shirk. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit « Man halafa bi ghayri illahi faqad ashrak » Celui qui jure par autre qu'Allah a certes fait de l'associationnisme. A associé. Il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la base, c'est que c'est un petit associationnisme tant que ce n'est pas accompagné d'une croyance envers celui par lequel on jure, comme quoi c'est un adoré, il est vénéré, etc. Un autre exemple de petit shirk, le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde contre celui-là, c'est de dire Masha Allah wa fulan. Allah l'a voulu et un autre. Il faut dire Masha Allah summa fulan. Le mieux c'est de même pas dire summa, mais ça reste permis. Mais le mieux c'est de dire ainsi Allah l'a voulu. Et dire et un autre, ça c'est du petit shirk. Toujours avec la condition que celui qu'on a coordonné à Allah n'a pas donc une gestion de la situation. Si jamais on a cette croyance-là, comme quoi la situation au sujet de laquelle on a dit Allah en a voulu ainsi et un tel, et que celui-là on l'associe dans la gestion avec Allah Azzajal, ça c'est du grand shirk. Mais il faut dire Allah l'a voulu ainsi et un autre. Summa fulan. Masha Allah, summa fulan. Aussi, si ce n'était pas Allah et un autre, mathalan. Par exemple, je suis dans ma voiture, ou bien je vais traverser la route ou autre chose, et j'allais faire un accident, me faire renverser ou quoi que ce soit, ou j'étais dans ma voiture, j'étais en train de sortir de la route, j'allais me prendre un arbre, et le frère qui était dans le siège passager, il remet le volant en place et je me remets sur la route. Et je dis, si ce n'était pas Allah et toi, je me serais pris l'arbre. Ça, c'est du petit shirk. C'est du petit shirk. Je dois dire, si ce n'était pas Allah, puis toi. Et le mieux, c'est si ce n'était pas Allah. Même si ce n'était pas Allah, puis toi, ça va à l'encontre de la complétude. Du mieux. Le mieux, c'est de dire, si ce n'était pas Allah. Un voleur saute le portail de chez moi, entre dans le jardin, pour ceux qui en ont un. Le chien aboie. Le chien à bois, c'est un exemple. Hein. Après, on ne rentre pas dans la fête, toi, j'ai le droit d'avoir un chien ou pas. Pour sauver ma maison, ce n'est pas le sujet. Le chien à bois, le voleur s'en va. Si ce n'était pas le chien, Hein, le voleur m'aurait cambriolé. Ça, c'est du petit shirk. Tant que pour toi, ça reste une cause. Hein. Mais si ce n'était pas le chien, c'est-à-dire c'est le chien qui de lui-même hein, donc a eu un impact de manière indépendante d'Allah sur la situation, ça c'est du grand shirk. Donc si ce n'était pas Allah et le chien, c'est du petit shirk. Si ce n'était pas le chien tout seul, si ce n'était pas le chien, c'est du petit shirk aussi. Tant que ça reste des causes. Tant que ça reste des causes. Mais si jamais, si ce n'était pas Allah et le chien il est associé à Allah dans la situation, dans la gestion, c'est du grand shirk. Si ce n'était pas le chien de manière seule, hein, ce qui n'est pas la croyance de la plupart des gens qui disent ça, Oulillah ilhamd parmi les musulmans. Mais celui qui a cette croyance-là aussi, ça c'est du grand shirk. On a beaucoup de formes encore de petits shirk, comme le fait de porter par exemple des talismans, les yeux qu'on voit, les mains de Fatma, etc. Ça c'est pareil, il y a aussi des tailles. Si jamais on porte ça dans le sens ou de manière indépendante, ça repousse le mauvais œil, le mal. Je mets une main de Fatma pour repousser le mal. C'est la main de Fatma qui repousse d'elle-même, c'est du grand shirk. Si c'est une cause pour que Allah me protège, c'est du petit shirk. Parce que ce n'est pas une cause qui est légiférée. Et la cause légiférée, elle a deux bases. Soit le Coran et la Sunna de manière directe, elle est textualisée, mentionnée textuellement, soit l'expérience. Hein, le Doliprane, il n'est pas dans le Coran et la Sunna. Mais l'expérience montre que lorsque tu prends un Doliprane, ton mal de tête s'en va bi idhnillahi wahdahu la sharika la. Hein? Donc celui qui fait ça, qui prend son Doliprane, c'est pas du petit shirk. Mais celui qui a un mal de tête, il se met une main de Fatma. Hein? Pourquoi tu mets une main de Fatma pour le mal de tête? Bon, là, ni le Coran, la Sunna, ni l'expérience ne montrent que ça enlève un mal de tête. Donc là, c'est du petit shirk. Si jamais c'est pour qu'Allah m'enlève mon mal de tête. Hein? C'est pour qu'Allah m'enlève mon mal de tête. Mais même le Doliprane, si c'est pour que lui-même, de lui-même, hein, il guérisse mon corps et que Allah n'intervient pas dans la situation, c'est du grand shirk. Voilà. Donc le shirk, si on le veut dans le détail, on l'étudie ensuite dans Kitab al-Tawhid, le livre donc de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il a 64 chapitres et chaque chapitre, hein, c'est pour des unités de Tawhid et de shirk. Donc là, il donne les fondements, le shirk. On ne va pas zoomer plus qu'il se doit le shirk dans ce texte-là. Ça, c'est un épître, il ne faut pas lui faire supporter plus que ce qu'il ne doit supporter. Donc en patientant, on arrivera bi'idhnillah azza wa jalla à ce type d'ouvrage comme Kitab Tawhid, et c'est là qu'on voit dans le détail le shirk. Et Kitab Tawhid, celui qui l'étudie, le connaît, le maîtrise, il est vraiment, vraiment dans une bonne voie avec l'aide d'Allah azza wa jalla. Donc il dit, Allah n'agrée pas qu'on lui associe quelque chose. On a dit donc l'association avait lieu au niveau des trois domaines, seigneurie, divinité, nom et attribut d'Allah azza wa jalla, car c'est le miroir du Tawhid. Et il y a deux catégories donc de shirk, d'associationnisme, le grand, le petit. Le grand, c'est le fait de donner un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala dans un des trois domaines, et ce fait de donner un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala implique une sortie de l'islam. Et le petit shirk, c'est ce qu'a nommé le législateur, Allah ou bien le prophète alayhi salatu wa sallam, comme étant du shirk, de l'associationnisme, mais qui n'implique pas donc de la grande mécréance du grand shirk. Et dit donc, il n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit. Qui que ce soit, dans son adoration. Qu'est-ce que l'ibad? Ça aussi, c'est un point donc il faut maîtriser, bi'iznillah azza wa jal, qui servira beaucoup dans nos lectures futures, dans nos études futures, et notamment pour répondre aux ambiguïtés de certains. Donc, l'ibad, dans la langue arabe. Dans la langue arabe, les Arabes disaient tariqun mu'abbad, une route mu'abbad, un chemin mu'abbad, c'est-à-dire qu'il est aplani de par les chaussures, les sandales, les pieds, etc. des passants. À la base, elle a un relief, elle est caillouteuse, etc. Et à force de subir donc le choc des pieds des gens, la route devient aplanie. Elle devient aplanie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tariq, une route mu'abbad. Donc c'est l'aplanissement, c'est le fait d'être de bas niveau, aplani, aplati, etc. Donc c'est ce sens qui est dans la langue arabe. Al-ibada dans shara, dans le sens législatif. Dans le sens législatif, il y a deux définitions suivant qu'est-ce que l'on considère. Lorsque l'on prend en considération l'acte de la personne. L'acte de la personne, c'est-à-dire l'état qu'il est en train de produire. Quelqu'un qui prie, il est dans un état. Il est en train d'adorer Allah. Quelqu'un qui jeûne, il est en train d'adorer Allah. Quelqu'un qui donne une sadaqa, une aumône, il est en train d'adorer Allah. Quelqu'un qui, lorsqu'il reçoit l'ordre de sa mère, y obéit, pour Allah, il est en train d'obéir à Allah. En faisant abstraction de l'obéissance à la mère, de la prière, du jeûne, de l'aumône, etc. En faisant abstraction de l'unité utilisée pour adorer Allah, je parle de l'état, vous saisissez là ce que je suis en train de dire? L'état de la personne, c'est une ibadah. L'unité utilisée que l'on va trouver dans la législation, donc par les versets ou bien les hadiths du prophète, ça aussi c'est une ibadah. Donc ici on va avoir deux définitions différentes suivant ce que l'on définit. Lorsque l'on définit donc l'état, l'opération que fait la personne, c'est ce qu'on appelle donc aussi al-ibadah, c'est fondé sur deux piliers. C'est fondé sur deux piliers qu'apporte Cheikh Ibn Taymiyyah dans son épître Al-Uboudiyah, la servitude. C'est donc Rayatul Dhul, la soumission totale, wa Rayatul Mahabba, et l'amour total. Donc l'état qui est fourni par la personne, sans parler de l'unité qui est faite, vous saisissez quand je fais cette nuance. Ce que fait la personne, c'est quoi? C'est de la soumission totale et de l'amour total. Celui qui prie, il est soumis à Allah et aime Allah. Celui qui donne une aumône, il est soumis à Allah et aime Allah. Celui qui fait la umrah est soumis à Allah et aime Allah. Soumission sans amour, ce n'est pas de l'adoration. De l'amour sans soumission, ce n'est pas de l'adoration. Ce n'est pas de l'adoration. Ibn al-Qayyim, dans un poème qu'on appelle An-Nuniya, pourquoi on appelle ça An-Nuniya? Vous entendez quelle lettre? Noun. Parce que quand les Arabes disent Nouniya, c'est un poème dont la fin des vers se termine par un Noun. Ta'iya, c'est un poème dont la fin des vers se termine par un Ta. Etc. Ha'iya, Ibn Abi Daoud, il a une grande Ha'iya dans la Aqidah des Salafs. C'est un poème qui se termine toujours par Ha. Mimiya, c'est un poème qui se termine par mim. Après, il n'y a pas toutes les lettres, il n'y a pas 28 iya. Il dit, rahmatullah alayhi, il dit, wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi. Et l'adoration du Rahman, du tout miséricordieux, ghayatu hubbihi. C'est son amour maximal. Ma' zulli abidihi huma qutbani. Ma' avec zulli abidihi, avec, donc, azul, la soumission. Abidihi, de son adorateur. Huma qutbani, ce sont deux pôles. Wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi, et l'adoration du tout miséricordieux, c'est l'amour maximal. Donc ça, c'est le premier pôle. Ma'zulli abidihi, avec donc la soumission de l'adorateur. Huma qutbani, ce sont deux pôles. Donc il faut obligatoirement quoi? Pour qu'il y ait adoration, soumission et amour. Et amour. Soumission et amour. Soumission sans amour, ce n'est pas de l'adoration. Et amour sans soumission, ce n'est pas non plus de l'adoration. Il dit ensuite, alayhima falakul ibadati da'irun, c'est autour donc de ces deux pôles que l'astre de l'adoration tourne, ma dara hatta qamatil qutbani. Et ces donc deux pôles, donc cet astre, pardon, ne tourne pas tant que ces deux pôles-là ne sont pas mis en place. Et donc son sens dans lequel il tourne, l'axe dans lequel il tourne, ce n'est pas, c'est avec l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, donc selon le wahi, et ce n'est pas par le hawa, les passions, et ce n'est pas par les passions, l'âme et par Satan. Ce n'est pas par les ordres donc des passions, ni de la nefs, de l'âme bestiale, ni de Satan que l'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'où ensuite la définition, la seconde définition de l'adoration, qui est donc la définition des unités par lesquelles on adore Allah azza wa jalla. La prière, c'est une adoration. Le jeûne, c'est une adoration. Le fait de donner une aumône, c'est une adoration. Tout à l'heure, on parlait de l'état, vous comprenez? Quelqu'un qui prie, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'amour et la soumission totale. Quelqu'un qui jeûne, il est dans l'amour et la soumission totale. D'accord? Je vois quelqu'un prier, cet état dans lequel il est, sans parler de gestes, des paroles, l'état qu'il a, c'est-à-dire ce qui est transversal à toute adoration, c'est quoi ? L'amour total, la soumission totale. L'unité, l'adoration par laquelle il est en soumission totale et en amour total, c'est la prière. Pour le jeûneur, ce sera le jeûne. Pour celui qui donne l'aumône, c'est l'aumône. Donc ici, on est dans la définition de Cheikh Ibn Taymiyyah qui est, je m'excuse, au début de son épître Al-Ubudiyya, c'est cette définition qui est dans Al-Ubudiyya et non pas l'autre, même si l'autre vous la trouvez aussi, c'est aussi Ibn Taymiyyah qui la donne et d'autres. Il dit que l'adoration c'est ismun, un terme, jami'un, qui englobe, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah, min al-aqwal wal-a'mal al-zahirati wal-batina. C'est un nom. C'est un terme qui englobe ce qu'Allah aime en termes de paroles et actes intérieurs et extérieurs. On avait expliqué ce que c'était que les paroles intérieures et extérieures, mais je le reprends rapidement. On a les paroles du cœur. Les paroles du cœur et les paroles de la langue. On a les actes du cœur et les actes du corps. C'est pas grave si on va doucement, parce que vaut mieux aller doucement et qu'on comprenne bien que se presser, essayer de finir... le chapitre, même si on coupe les phrases en deux, c'est pas grave. Le plus important, c'est de ne pas passer rapidement. L'ensemble des textes qui nous arrivent, du Coran et de la Sunna, ils sont de deux catégories. On va réviser un petit peu la grammaire française. On est obligé, si on veut faire du tassil, si on veut faire un peu, on va pas dire de l'enracinement, mais de la science réfléchie par laquelle vous serez vacciné contre tous les égarements qui puissent vous entourer, il faut passer par ça. Sinon, on fait des conférences simplement sur pour un peu remettre du gasoil dans le réservoir. Donc, remettre un peu les actes du cœur à niveau, vous comprendrez ensuite. Ça, c'est bien, parce que t'as envie de parcourir de la distance. Mais il te faut le code. Il te faut le code obligatoirement. Et le code, ben, c'est avec le cerveau. Il faut se concentrer. Donc il faut patienter, mais ça aura vraiment des fruits très très très conséquents, Inch'Allah, dans un futur proche. Donc les textes qui nous arrivent, ils sont de deux catégories. On a une catégorie qu'on va appeler le déclaratif, et une autre qu'on va appeler l'impératif. Le déclaratif, en arabe, on va l'appeler al-khabar. Al-khabar. Al-khabar, donc sans parler de grammaire arabe, c'est l'information. En la langue arabe. Le journal télévisé, les Arabes, quand ils le regardent, ils disent, je vais regarder quoi ? Al-akhbar. Hein ? Je vais regarder al-akhbar, le pluriel de khabar, les informations au pluriel. Al-khabar, c'est l'information. Al-khabar, dans la grammaire arabe, c'est ma yahtamilu as-sidqa wal-kadhib. C'est ce qui peut être véridique ou mensonger. Ça, c'est en dehors des paroles d'Allah Azzawajal. C'est ce qui peut être véridique ou mensonger. Et c'est ce qu'on va appeler le déclaratif. Quelqu'un te dit, Mohammed est dans la mosquée. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. On parle ici de l'humain et pas de quelqu'un qui est. On ne parle pas d'Allah et ni d'un prophète, alayhi salam. Quelqu'un qui te dit Mohammed est dans la mosquée, est-ce que ça peut être vrai ou faux? Oui. C'est pour ça qu'on dit yahtamilu sidqa wal kadhib. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Par ça, on va caractériser le déclaratif. Ce déclaratif, en français, même, il a la même division qu'en arabe, il y a l'affirmatif et le négatif. Mohammed est dans la mosquée, affirmatif. Mohammed n'est pas dans la mosquée, négatif. Mohammedun fil masjidi, ça c'est un khabar, c'est une information. Et ça c'est donc du déclaratif et c'est une information. Donc, on va appeler ça une affirmation ici. D'accord ? On va appeler ça une affirmation. Mohammed est dans la mosquée. Ce qu'on va appeler donc un nisbet en arabe. On affirme que Mohammed est dans la mosquée. Mohammed laysa Mohammedun laysa fil masjidi. Ou bien laysa Mohammedun fil masjidi. Mohammed n'est pas dans la mosquée. En français, on va appeler ça une négation. Donc, on a ici en arabe ce qu'on appelle. Donc un nafi, une négation. Ça c'est la première catégorie, déclaratif. Dans le Coran, qu'est-ce qu'on a comme type de verset comme ça? Par exemple, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, nulle divinité À part lui, El Hayy, le vivant, El Qayyum. Ça, c'est du déclaratif, ou non? Bon, dans le déclaratif, c'est quoi? L'affirmatif ou du négatif? C'est de l'affirmatif. Hein? Ici, si ce n'était pas Allah, yahtamilu sidqa wal kadhib. Si ce n'était pas Allah, de manière grammaticale, il se peut que c'est faux et vrai. Mais dans le Coran, c'est vrai et c'est faux. Ça, on l'accueille par quel comportement? Par quel comportement? En tant qu'humain, que tu sois croyant ou pas. Soit tu le rends véridique, at-tasdiq, soit tu le rends mensonger, at-takdhib. Oui ou non? D'accord? Rendre véridique, ça, c'est de la foi. Rendre mensonger, ça, c'est de la mécréance. Première catégorie. Deuxième catégorie, al-insha. Ce qu'on appelait l'impératif. L'impératif aussi va se découper donc en deux catégories, l'ordre et l'interdit. Donc par exemple, wa aqimu s-salah et pratiquer la prière. Donc ça c'est, ça rentre dans l'impératif, al-insha, ou bien dans le khabar, le déclaratif. Dans al-insha, dans l'impératif. Et c'est donc un amr ou bien un nahi. C'est un ordre ou un interdit? C'est un ordre, c'est un amr. Et la taqrabu as-salata wa antum sukara, n'approchez pas la prière en état d'ivresse. Bon, il a abrogé le verset. Hein. Ça c'est un impératif qui est un interdit. C'est un interdit. Donc c'est un interdit. Par quoi est-ce qu'on accueille l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'impératif ordre. L'ordre impératif. Par quoi on l'accueille? Par l'obéissance ou la désobéissance. De même l'interdit. Par l'obéissance ou par la désobéissance. D'accord? Quand on dit donc les paroles du cœur, ce sont des convictions, c'est un ensemble théorique. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Allah n'a de divinité que lui, al-hayy. Ici tu as le nom al-hayy. Quel comportement tu as? Tu vas confirmer ça. Donc tu vas avoir une parole dans ton cœur, Allah est est le hayy. D'accord? Cette information, ça devient un qawl qalbi, une parole du cœur. Ce n'est pas un acte du cœur. L'acte du cœur, c'est craigner Allah comme il se doit. Quand tu vas craindre Allah, et le fait de craindre Allah, d'aimer Allah, etc. Ça, ce sont donc des actes du cœur. D'où découle-t-il de l'ensemble de paroles du cœur que tu as? C'est parce que tu sais qu'Allah est le Tout-Puissant, c'est parce que tu sais qu'il est dur de châtiment, c'est parce que tu sais que le paradis est éternel. Le paradis est éternel, c'est une parole du cœur. Le paradis réservé aux croyants, c'est une parole du cœur. Le paradis est interdit aux mécréants, c'est une parole du cœur. Celui qui meurt sans s'être repenti d'un grand péché en étant musulman, il est sous la volonté d'Allah, c'est une parole du cœur. Ça, cet ensemble théorique, qui est très long, donc... qui est dense dans ton cœur, tu as beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'il fait naître au niveau toujours ton cœur, mais dans un autre tiroir? Qu'est-ce qu'il fait naître? Des actes du cœur. De l'amour d'Allah, de la crainte d'Allah, de l'amour du prophète, de la vénération du prophète, du Coran, de l'amour des croyants, etc. C'est aussi de nombreux actes. Ces actes, ils font naître ensuite des actes du corps. Et des paroles de la langue. C'est pour ça qu'on dit que la foi... C'est composé de ces quatre catégories-là. Mais il y a des choses qui sont des piliers, il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qui sont recommandées. Ça, on le verra plus tard quand le shir parlera du iman. Pourquoi en est-on arrivé là? On était à quelle partie? C'est 8h30. On était à l'adoration. La définition d'Ibn Taymiyyah. La définition d'Ibn Taymiyyah, l'adoration est un terme qui englobe ce que Allah aime et agrée comme parole intérieure et extérieure. Si tu ne définis pas qu'est-ce que la foi, l'adoration, tu ne comprendras pas. Donc, comme parole intérieure, vous avez compris comme parole intérieure? Qui peut me donner un exemple de parole intérieure? Hein? Par rapport au prophète Mohammed A.S.A.L. Qui peut me donner une parole? Une parole du cœur? Voilà. Le prophète Mohammed est le dernier des prophètes. Ça c'est une parole du cœur. D'accord? Allah aime cette parole ou la déteste? Allah l'aime, c'est une adoration. D'accord? Quand tu l'as dit avec ta langue, le prophète Mohammed est le dernier des prophètes. Ça, c'est une parole de la langue. Quelqu'un peut le dire et ne pas l'avoir dans son cœur. Quelqu'un qui le dit, ça, c'est une adoration ou pas? C'est une adoration ou pas? Oui, c'est une adoration. Aimer Allah, c'est une adoration? C'est quoi? C'est un acte du cœur, une parole de la langue, une parole du cœur, un acte du corps. C'est un acte du cœur. Hein? Aimer le Coran, c'est un acte du C'est une adoration ? Oui. D'accord ? Aimer ce qu'Allah a rendu obligatoire, c'est un acte du cœur. Détester ce qu'il déteste, c'est un acte du cœur. Ensuite, on a des actes du corps. Enlever un obstacle de la route, Allah aime ça, c'est un acte du corps. Prier, c'est un acte du corps. Faire son rousle le vendredi, c'est un acte du corps. Donc l'adoration, c'est un terme qui englobe ce que Allah aime et agrée comme parole et acte intérieur, vous avez compris ? Et extérieur. Comme Allah aime et agrée cela, ça relève de l'invisible. L'amour et l'agrément d'Allah, c'est quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose qui relève de l'invisible. Donc, on ne peut découvrir la ibada par l'aql, par la raison. C'est par le texte que l'on découvre ça. D'où l'envoi des prophètes pour nous montrer le chemin menant à Allah qui est la ibada, et d'où aussi la descente des livres. Donc c'est par le Coran et par la Sunna et seulement par cela qu'on peut définir la ibada. Et l'ijma', ça rentre dans le Coran et la Sunna. L'ijma', le consensus, ça rentre dans le Coran et la Sunna. Mais par goût, hein, là il y en a, ils ont fêté la naissance du prophète alayhi salatu wa salam. Ils n'ont aucun délil. Quand tu leur dis, quelle est la preuve de la fête du Maulid ? Tu as un verset ? Non. Tu as un hadith ? Bon, ils bricolent deux, trois choses un peu avec quelques hadiths, mais on ne va pas y répondre maintenant. Et est-ce que le prophète l'a fêté ? Même eux disent non. Est-ce que les quatre califes l'ont fêté ? Même eux disent non. Est-ce que dans les trois premiers siècles, qui sont les meilleurs siècles, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, est-ce qu'ils l'ont fêté ? Non. Pourquoi tu le fêtes ? La personne n'a pas de réponse. La personne n'a pas. Et c'est une adoration. Lorsqu'ils font tout cela, cet ensemble de rites qu'ils font dans une journée fixée dans l'année qui revient de manière fréquente, c'est une ibada, même s'ils ne disent pas que c'est une ibada. Ça devient une adoration. Pour eux, mais c'est une bid'a dans le shara. Ça devient une bid'a. Car lorsque tu légifères une adoration qui n'a pas de base dans le Coran et la Sunna, en vérité, tu es en train d'innover dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tu greffes à la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Donc il dit, Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Et on s'arrête là, Inch'Allah, on reprend la semaine prochaine.